Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Black M. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Black M. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti dans une ambiance absolument incroyable. Et ce soir, il y a du monde dans les studios. Attends, il faut pas, tu bats. Ouais, c'est vrai. Hey, les mecs, on a dit il y a du monde dans les studios. PDG, ta mâchoire, exprime-toi, mon frère. PDG, je t'ai connu plus gueulard que ça. Franchement, là, bon, bah, bienvenue en tout cas à vous tous. Black M est là. Alors, on est là. On peut quand même le dire. Black M revient du Maroc, puisque hier soir, on était sur Skyrock. Ouais. Et juste après, il était au Maroc. C'est, ouais. Pour c'est, le festival. Que les mecs sont tellement loin maintenant qu'ils se dédoublent. Ah ouais, on se dédouble. Non, mais c'est. Donc, voilà, on peut dire, bon, on avait enregistré un petit peu. On avait un petit peu enregistré c'est hier vrai. Soir. Parce c'est que vrai. Tu es parti au Maroc. Je suis parti pour le festival Mawazine au Maroc. Il y avait 60 000 personnes. C'était n'importe quoi. Donc pareil, c'est fou les moments que tu vis quoi. T'arrives de Tahiti, bam, reparti au Maroc. C'était vraiment n'importe quoi. Je suis avec la même équipe. Hein, ils avec sont Monsieur Depeng, Ice Cube, donc c'est la fine équipe. Gros qui concert, était merci Rabat, merci les Marocains, on vous aime. On va saluer Linda aussi qui est là, qui est Blind Dream. Ça va, Linda que j'ai vu aussi pareil partie à Tahiti avec des jolies photos partout. C'est ça. Ça fait croquer aussi dans votre équipe. Ça voyage, hein, ça voyage. Et grâce à Black. Et Linda, vous la retrouvez aussi sur le DVD, le DVD qui sort le 8 juin avec la partie CD. Et j'annonce une bonne nouvelle, c'est que c'est à partir d'aujourd'hui la précommande. Yes, précommande. Dès maintenant, on peut précommander. Allez-y. Les yeux plus gros que l'Olympia, puisque c'était capté à l'Olympia exactement, de Paris. Exactement. Cette tournée de Black M qui reprendra ici en France, en métropole, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Le 12 juin à Boulazac, le 13 juin à Clermont-Ferrand, 22 juillet à Montauban et toutes les autres dates aussi. Comment ça va sinon pour Abou de Beng qu'on n'a pas salué depuis début de semaine? Ça va. T'as quelque chose aujourd'hui. Il paraît qu'il va se passer quelque chose ce soir. Aujourd'hui, il y a un truc qui va se passer, un truc. Tu sais, les Planet Rap Black M, il n'y a que des surprises en fait. Beaucoup de surprises. C'est que ça. Et aujourd'hui, je fais partie de la surprise, donc je suis honoré d'être présent. Voilà, donc la surprise, on dit pas tout de suite, non? Si tu veux, tu peux en parler, hein, vas-y. Non, après, dans un instant. Dans un instant, parce que là, j'avais aussi autre chose à vous annoncer. C'est que le clip Bye Bye est maintenant disponible sur YouTube avec DJ Flash featuring Dry et Charlie Bell. Yes. Donc vous pouvez aller cliquer tout de suite pour retrouver Bye Bye avec DJ Flash, Dry et Charlie Bell dès maintenant. Allez-y. Et on débute avec un extrait. Ceux qui ont la vidéo sur skyrock.fm, ceux qui sont connectés sur l'appli Skyrock, tout de suite, vous allez pouvoir découvrir les images du live de Black M. On débute avec Madame Pavoshko. Allons-y. Allez, c'est parti. Madame Pavoshko. Et allez regarder sur Skyrock FM. Vous avez droit. Black M sur Sky. Vous avez droit aux images en exclu du DVD qui sort le 8 juin. Et le son tout de suite. Le 8 juin dans les bacs. Black M sur Skyrock, allez-y. Olympia. Attention, ce soir, le concert est filmé. Ce soir, le concert est filmé. Le DVD va sortir. S'il vous plaît, ce soir. Je veux voir tout le monde. Ouh tout le monde debout. Un. Tout le monde sort. Aïe, Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je peux deux. Il, Madame Pavoshko. Et vos gosses me. Il, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours un esprit, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous. Oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Tout le monde fait sol, tête sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment. Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait les 8 juin dans les bagues. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Tu peux précommander, vas-y, c'est sur iTunes. Du coup, tout le monde sourd. Aïe, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je veux de il, Madame Pavoshko. Et vos gosses me rient, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspiration, Madame Pavoshko. C'est pour les gars sous, oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame. Fire. fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête et j'en ai fait une vraie chorale. Toi t'es beau dans ton bureau, tu me dis va rigoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que leur guerre se croise, hop, adrénaline. Ah oui, je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de ces fameux couplets où Naki Kiké. Tout le monde saute. Madame Babochko, non, je suis pas en prison ou en hosto. Non, je fais des hits, Madame Babochko. Et vos grosses me guident, Madame Babochko. Oui, oui, oui, oui, oui, Madame Babochko. J'ai toujours besoin d'un sbi, Madame Babochko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Babochko. Si vous voulez, oh, oui, Madame Babochko. Je me suis juré qu'un jour vous danserez sur mes sons. A une époque, je voulais me procurer un c'est Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur l'école. Ça fera une petite anecdote, la directrice c'est l'école. Pourquoi un second de surveillant me demande de vider mes poches? N'est pas au poste de police et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère. Et tout le monde fait. Je veux vous voir taper dans vos mains l'Olympia. Hey, je répète, ce soir, en exclusivité, le DVD de l'Olympia. On veut le feu ce soir, attention! Tout le monde sort! Aïe, Madame Babochko, non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'te le guide, Madame Babochko. Et vos gosses me guident, Madame Babochko. Oui, oui, oui, oui, oui, Madame Babochko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Babochko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Babochko. Si vous voulez, on se weed, Madame Babochko. Et tout le monde! Solo, tête sous l'eau, j'me suis dit, c'est le moment, mais le braille. C'est de classe, les profs disaient que tu faisais partie des plus nasses d'école. J'ai ton cahier, mille fire, fire. Mille fire, fire. Et si pour toi un avertissement, les autres aucune excuse de plus de divertissement. J'ai ton cahier, mille fire, fire, fire. Voilà, à l'instant, hop, coupé violemment HQ quand même, hein. On puisse profiter un petit peu des gens, du public à l'instant. Madame Babochko, CD, DVD qui sortira le 8 juin avec Black M, notre invité, toute la semaine entre 20 et 21. Toujours et présent. Puis, toujours envoyer aussi des messages sur pendant que le studio est très dissipé. Il hein. Y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde, on va les présenter dans un énormément instant. Monde. Le hashtag Black M sur Skyrock. Mais moi, j'avais une surprise pour toi, Black M. Dis-moi. J'avais une surprise. Toi, tu nous prévois des surprises chaque ah jour. Ouais. Moi, j'en ai une pour toi. Vas-y. Je suis allé à l'Olympia, moi, c'était la première date, le 21 avril. Mm. Et tu fais toujours monter des gens sur scène. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de ce moment-là? Lilou, Lilou. Lilou, est-ce que tu te souviens de Lilou? Ouais, on se souvient. Lilou, c'est notre blessure. La petite, ouais, la petite blonde. Ça coupe ça. Donc Lilou, c'est... Elle est toute jeune, hein, Lilou. Ouais, c'est un enfant. Elle est montée sur bébé. Scène et elle, vraiment, elle a retourné l'Olympia. Elle a retourné l'Olympia. Et comme c'était un super moment, je voulais qu'on fasse entrer Lilou ici dans le studio de Planète. Voilà Lilou qui est venu voir Black M qu'on mais peut applaudir. Non. Lilou qui est venu te voir, te rendre visite. Si vous étiez à l'Olympia, c'est regarde. La star, regarde, regarde. DVD. La star du DVD. Et elle est dans le DVD. Hey. Ah bah voilà, les retrouvailles avec Black M. Allez, Lilou, viens. Ah, t'as rapporté bon. Un joli petit cadeau, regarde. Merci beaucoup. Tiens, Lilou, installe-toi, prends un petit micro qu'on entende ta voix. Ça va bien, Lilou? Et Lilou. Alors, Lilou, elle était présente donc mais à l'Olympia. Vous négligez Lilou. Faites du bruit pour Lilou, là. Ouais. Faites du bruit pour Lilou. Elle était là à l'Olympia, elle était là à Lille, à l'aéronef. Elle connaît évidemment toutes les paroles du son sur Ma Route, ailleurs, et Jessica, tous les morceaux. Ça va? Et Lilou, t'es venue avec ton doudou aussi? Oui. Parce que tu m'as dit, j'ai fait un concours, moi, de toute façon, mon doudou, il a les yeux plus gros que Black M. Oui. T'as vu? Elle t'a clashé avec le doudou. Tu me clashes avec ça? Viens, on prend des photos là tout de suite, tu vas voir, j'ai des plus gros yeux. Et comment tu t'es retrouvée sur la scène de l'Olympia, toi, Lilou? Bah, en fait, j'ai levé mon doigt et. On l'a choisi parce qu'on a senti qu'elle dansait. Mmh. Et c'est vrai montée. Que t'as. Tu te souviens de ce moment, toi, quand t'es montée sur l'Olympia? Oui. Sur la scène de l'Olympia? T'as pas eu peur, rien, tranquille? Non, j'étais un petit peu timide, mais après. Et après? T'es pas timide. Pas timide. Bon bah t'as tout déchiré, on voulait aussi te remercier parce que voilà c'était un super moment de voir sur scène avec Black M. On voulait faire une surprise à Black M aussi. Quelle surprise ! Jolie petite surprise. Je suis surpris, j'avoue, je m'y attendais pas du tout. Abou de Ben qui était là aussi, qui se souvient évidemment, se souvient de la petite Lilou, évidemment. On se souvient. Tout le monde se souvient de la petite Lilou. Évidemment, j'étais juste. Regarde, elle veut faire un bisou. Oh, oh wow. Mais Lilou c'est la star du DVD pote. Et elle est sur le DVD, tu étais, t'as pas vu le DVD encore ? Non. Non. Tu voulais dire un petit mot à Black M ? Tu voulais dire un petit message ? Tu veux oui. dire quoi ? Vas-y, on t'écoute. Bah, c'est toujours mon amoureux, je l'aime toujours. Il va falloir attendre un petit peu, Lilou. Bon, on ne dira rien, on ne dira rien. Check, Lilou, check, check, check. Eh bah, bienvenue yes. en tout cas dans ce Planète Rap, Lilou. Et merci à toi, et puis merci à maman aussi qui t'a amené, parce que je sais que vous venez de loin, enfin de loin. J'avoue, très loin, mais du nord de la France. Donc voilà, d'être venu. Bravo une fois de plus à Lilou. Bravo, bravo. Et Lilou, vous la retrouverez dans le DVD aussi de Black M qui bravo, sort. Bravo, Lilou. Le 8 juin prochain. L'on continue ce Planète Rap qui est mouvementé. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a des surprises. Alors, il y a le morceau. On peut le dire maintenant, on peut annoncer. Je te laisse Monsieur de Beng. Bire-le, mec. C'est un extrait du projet de mon gars sûr Abou de Beng qui s'appelle Adios. Excuse-moi, pas du projet d'Abou de Beng, du projet du Watibé. Qui sortira prochainement. Mmh. Je dis ça parce qu'à la base, tu devais le mettre dans ton projet. Mais c'est tu l'as fait. C'est donc, vrai. On a décidé de que ça soit le premier extrait du projet du label Watibé, le premier projet du label Watibé. D'habitude, on fait souvent des compiles qui s'appellent les chroniques. Mais là, cette année, on a décidé de faire un gros, gros, gros projet. Voilà. Watibé. Donc, Watibé, le projet qui arrive. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Adios. Adios. Exactement. Adios. Où on te retrouve, toi, évidemment. Et petite apparition de Black. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le met maintenant, ce morceau ? On attend encore un petit peu ? Il faut attendre. Viens, on se le met ? C'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez, hein, parce que je crois qu'il y a d'autres surprises qui arrivent encore. Il y a plusieurs surprises. Est-ce qu'il y aura aussi du freestyle ce soir, du live dans l'émission, messieurs ? Je pense que oui. Il y a du rappeur, je pense que oui. Donc très bien, c'est dans un instant. Et découvrons donc ce morceau qui s'appelle Adios, on exclut total. Abou de Beng, Black M. Yeah. Sur le projet Watibé qui arrive prochainement. Yeah, yeah. La nuit je barre, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. La nuit je barre, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. Adios, adios, adios, adios. Projet Watibé. Adios. Que des surprises, que des surprises. Je ne comprends pas pourquoi vous m'en voulez. J'ai eu, je ne l'ai pas volé. En bien ou en mal, je sais que ça parle de moi. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Je me souviens de tous les moments forts de ma vie. Tous les hypocrites sont hors de ma vue. Je me rappelle de toutes ces nuits blanches dans Paris. Les descentes de cœur font bas de ma rue. Toutes ces filles au cœur fragile qui m'ont aimé mais sans retour. Je n'ai rien dit car je me méfie. Je m'ouvrirai peut-être un jour. La nuit je barre, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mot. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Watibé. Bonjour, je vous dirai adios. La nuit je barre, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. Dawala. Adios, adios, adios, adios, adios. Roger Watibé. Adios, adios. Trop rêveur, j'aimerais voir ma vie en reverse. J'ai pris de l'âge, du kilométrage, la même rage. Dealer. Depuis le temps que je baroute, les gens qui me disent tu n'y arriveras pas, j'en ai vu d'autres. Depuis je fais mon bout de chemin, mais l'important Big c'est Black, la fin, j'ai commis aucune faute. Paris ma ville, dès comme elle y en a pas mille. Mais sur le périph' roulant pensant à une île, où y aurait des gros requins en guise de videur. Une île où j'irai me poser pour faire le vide. Une île où personne parle de musique et de pide. Pas la peine d'appeler, y'a personne au bout du fil. J'ai pas changé donc arrêtez de vous faire des films. Faut que je vous dise adieu, parce que rien que ma vie défile. Adios. Abou de Beng, Big Black, projet Watibé à venir. Adios. Exclusivité Skyrock. Adios. La nuit je barre, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. mais je prends mon temps. Je fais les choses jusqu'au beau jour où je vous dirai adieu. La nuit je barote posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. Mais je prends mon temps, je fais les choses jusqu'au beau jour où je vous dirai adieu. La nuit je barote posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. Projet de l'année. Je prends mon temps, je fais les choses jusqu'au beau jour où je vous dirai adieu. La nuit je barote posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. Je prends mon temps, je fais les choses jusqu'au beau jour, je dirai adios. Adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios. Envoyez vos impressions, envoyez vos impressions, Big Black. Adios, à bout de bang. Adios, adios. Je dirais même signé à bout de bang. À la réalisation du morceau avec mon gars DJ HQ. Quelle guitare! Adios, adios. Adios à l'instant, moi j'ai envie de dire bravo, bravo. Franchement, ouais, j'avoue, bravo ce morceau-là. Linda, tu avais écouté Adios? Ah ouais, je l'avais écouté à Tahiti. Moi je kiffe ce son, franchement, il est mortel. Tu l'avais écouté à Tahiti? Non, c'est... dis ça parce qu'en fait, on l'a clippé ouais, là-bas. Ouais, voilà, on l'a clippé là-bas. Le clip, il a eu lieu là-bas. Et en fait, Abou Dabeng, c'est une star à Tahiti depuis ce morceau. Non, non, non. Mais non. C'est vrai qu'il y a un côté. Voilà, c'est un côté. Il y a un côté tropique un peu. Tropique, estival, il y a un truc qui se passe sur ce morceau Adios. Franchement, ouais, c'est un bon petit son. Qu'on a tout ce qu'il fait à peu près dans le label. Et donc voilà, on a décidé d'en faire le premier exprès du gros projet du label Watibé. Pendant que Black M est en train de tester le doudou de Lilou. Tu as aimé toi Lilou le morceau qu'on vient de passer là avec Black M? Oui. C'est vrai, il t'a plu? Rien à dire, il y avait Abou Dabeng dessus, il était bien dessus. Oui. Merci. T'es pas, lui, c'est pas ton amour, Abou Dabeng? Non, c'est Black M. Ah, c'est Black M. Ça a pas changé. Il cache. Et je tiens à préciser que la prod a été la composition par le grand, le fameux, le génie, le DJ numéro 1 en France. C'est pas DJ possible. HQ. DJ HQ. Je me disais qu'il y avait une saveur particulière. Il y a une saveur particulière sur ce morceau. Et le fait que tu me dises que ce soit HQ. Ça non, m'étonne qu'à moitié. Il s'y est pris, il a ramené des musiciens, ils ont composé toutes des nuits entières. Franchement, merci HQ. Des nuits entières à HQ? Non, merci Dabeng, parce que la mélo, elle vient de lui en fait. C'est parti de la mélo à Dabeng, et puis voilà, on a fait le son. Et voilà. Bien, des nuits entières par contre, il nous a dit. Ouais, des nuits entières, ouais. Parce que tu connais, hein, le Watibé. On n'est jamais satisfait, donc on travaille. En tout cas, c'est un morceau qu'on retrouvera sur le projet du Watibé qui arrive là d'ici. Le projet du label Watibé. Qui arrive d'ici quelques heures. bientôt. Après, adios. On a le temps de présenter les gens là. Allons-y. Ah, chez Magnum, pourquoi tu te caches? Pourquoi t'es caché chez Magnum? Tu bires comme ça, j'ai envie de tout casser quand t'arrives. Regardez-moi cette Lilou. Prestance. Regarde Lilou, on va avoir. H Magnum. Regarde, t'as envie de me bire? Vas-y, je présente H Magnum. Comment ça va, H? Ça va super, et toi? En pleine forme? Ouais, toujours. Hein, H Magnum. Sur le test. Qui est venu aussi avec une surprise. Toi aussi? Ouais, c'est le Planète Rap Surprise. Donc ouais, ce soir, c'est la soirée surprise. Ouais, c'est il y en aura encore d'autres. Il y en aura une autre vendredi qui nous a promis Black M. Il n'y a que ça. C'est voilà, il n'y a que des surprises. Big Black. Donc alors c'est quoi, t'es venu avec quoi, H? Je suis venu avec du son. Évidemment. Mais de quoi? Extrait de Gotham City? Un extrait de Gotham City très très très lourd, hein, que j'ai fait avec mon gars sur Black. On l'a déjà annoncé, il s'appelle Aucun Mytho. Extrait de Gotham City. Et on pourra l'écouter quoi son. Dans un instant. Ouais, on pourra l'écouter. Ouais, franchement, c'est un gros son. Là, on est sur le clip. Qui va être très lourd aussi, tu vois. Comme j'aime bien les faire, j'aime bien les beaux clips. Donc on s'est pris la tête et ça va. Là déjà, il est dans un clip là, juste là il est dans un. Là j'ai pris beaucoup de classe comme d'hab. Merci, à chaque fois, c'est gentil. Et Gotham City une date? Gotham City toujours pas de date. D'abord du son, après on verra la date. Mais d'abord du son. Mais là le prochain titre c'est un gros titre. Et confiance, Fred. Et ouais, j'ai confiance. Et on découvrira ce morceau dans quelques minutes. Ne bougez pas. Autre surprise, si vous voulez présenter quelqu'un d'autre. JR. Ah bah. JR au chrome de la section d'assaut. Comment louper monsieur JR au chrome? JR au chrome de la section d'assaut. Qui est là aussi parmi nous. Avant d'état en personne. Viens, JR. Alors. Un homme qui bille. dire. Tu as vu cette attitude pour s'installer? Cette attitude pour s'installer près du micro. Oh, calme. T'as vu sa bague ou pas? Ça fait longtemps, ça fait longtemps que je peux. T'as vu la bague? C'est rien, c'est du matériel, ça. C'est du matériel, ça. JR, c'est comment? Mais ça, c'est une pépite. On est là. Une sorte de... Elle était gravée sur le doigt. Genre de la cave, là, comme dans les films, là. Alors, on en est où sur Vendetta, JR? Poto, là, on est sur la fin, là. On est essoufflé sur les genoux, poto. J'ai plus de ce fort. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Et ça arrive, les extraits, on pourrait écouter quoi quand... Là, le premier extrait. Écoutez bien, le premier extrait, il arrive la semaine prochaine. Mais extrait de Vendetta, il arrive la semaine prochaine. Et il s'appellera ? Il s'appellera Tarlé Ouf, poto. Tarlé Ouf. Tarlé Ouf, il arrive la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, c'est sûr, on a semaine un son. Semaine prochaine, c'est sûr. On balance, mixé. Gyrochrome Doumams. Gyrochrome Doumams, voilà. Vendetta. On dirait que l'année est au Watibé. Là, j'ai l'impression. Cette année, ça va être roule. J'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. Tu vois. Bon, très bien, donc faudra attendre juste la semaine prochaine. Voilà, faudra attendre la semaine prochaine. Et bienvenue quand même à toi, JR, merci d'être là ce soir dans le Planète Rap. Voilà, merci. Entre 20h et 21h, on va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra? Donc on mettra aussi un extrait du live peut-être. Ouais, vas-y, on sur ma route, on se le remet. Sur ma route, ouais. Validé par Lilou, sur ma route, ça te va? Pour Lilou. Parfait, bougez pas, c'est après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Black M. Black M pendant une heure complète ce soir. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap Black M. Et quelle soirée ce soir, Black M avec nous entre 20 et 21 avec Abou de Ben qui est là. On a écouté le morceau Adios. Beaucoup de réactions sur Adios. Beaucoup de réactions. On nous sommes entêtés d'ailleurs aussi grâce au morceau Adios. Ok. Mortel. Okay. Les gens suivent. Merci, merci à vous. Merci. Ouais, là je suis sur mon portable, je suis sur Twitter. Je vois beaucoup de réactions, des gens qui kiffent. Dis-leur que le clip arrive bientôt. Le clip est bientôt disponible. Là, il est en montage. Là, mon gars Screech, tourné à Tahiti, sont des sons dans ses montages. Tourné à Tahiti, sur des îles, des corps de fous. Donc morceau à bout de bang, Black M sur le projet Watibé qui arrivera prochainement. Exactement. Et le morceau qu'on a pu découvrir donc en exclu ce soir qui fait réagir. Continuez à réagir d'ailleurs. Continuez, donnez vos impressions. Merci, merci d'avance, merci pour tout. Avec le hashtag Black M sur Skyrock, il y a monsieur Gyrochrome qui est là aussi. Et lui nous a annoncé le premier extrait de Vendetta qui arrive la semaine prochaine. Exactement, voilà. Premier extrait qui arrive la semaine prochaine. Voilà, ensuite... Tu voulais ajouter, tu me dis... Ouais, voilà, ouais, ensuite on va arriver avec plein de capsules. Ce qu'on appelle les capsules, c'est des petits vidéoclips. Voilà, là on est en train d'enchaîner ça, on est en train de les empiler, tout ça. Hier encore, on en a terminé une. Donc voilà, ça va arriver. Ça va arriver. Et on va arriver aussi à l'approche de la sortie de l'album, on va faire des petits concerts sauvages, tu vois, des petits Vendetta, concerts sauvages. Voilà. Tous ceux qui seront chauds pour kicker, on va aller se déplacer chez vous. Et voilà, on va voir ce que vous avez dans le bide. Dans un instant, on découvrira aussi un extrait de H Magnum avec toi, Black M, dans quelques minutes. Yes, des surprises. Yes, aucun mytho. Mon gars n'est pas un mytho, il a... Gros, vous l'avez glisné. 500 000 albums, 700 000 bientôt. Big Black M, je me rappelle les débuts. Tout le monde l'a négligé. Et il est là. Hein ? Il est là. Je ne dirai rien. Voilà. Et il y a aussi avec nous Linda Sherazade. Lin Dream. Qui elle aussi bosse dur. Yep. En studio en permanence. Et j'entends. Ok. Gire, t'as collé le casque en pleine gueule. Tranquille, c'est Gire. Moi, là, pour l'instant, je suis sur la tournée de Black M. Et la tournée, ouais. Je le suis. T'as quoi en tête, toi, justement, quand on parle de tournée, quand tu revois les images, quand tu écoutes le son? C'est que du dream. Hein. Ça fait super plaisir de voir tous ces gens, que ce soit pour Black M. Moi, j'en vois souvent. Je fais les tours de la France avec Black M. Donc, je remercie Black M, Dawala et aussi Sam pour leur confiance. Il faut savoir que j'attends pas que les bonnes choses m'arrivent. Je travaille aussi énormément à côté, les studios, les répétitions pour m'améliorer sur scène, etc. Et voilà, ça bosse toujours. Mon projet, c'est la fin. C'est presque la fin. Écoutez, il est lourd. Tu confirmes, Linda Sherazade va tout fumer. Elle va valider. J'ai écouté, je rigole pas. C'est vrai ou c'est faux? Moi, elle est sur ma tournée. Tous les projets qui arrivent, c'est validé. Je suis derrière, j'écoute. Je vais aller. C'est gentil. Donc ça arrive prochainement, pareil. Avant la fin de l'année. Voilà, exactement. À guetter Linda Sherazade que vous retrouverez aussi en tournée avec Black M. Les prochaines dates, c'est le 12 juin à Boulazac, le 13 juin à Clermont-Ferrand, le 22 juillet à Montauban. Et puis vous balancez aussi vos messages avec le hashtag Black M sur Skyrock. Je vous ai promis aussi, il y a le nouveau son d'Eminem qui a débarqué. Vas-y, on va balancer maintenant un morceau qui s'appelle Phénoménal. H. Magnum, t'as pas écouté? J'ai écouté l'album de Eminem. Lourd, validé. j'ai tout écouté. Ah ouais, tout est validé. Mais ça, c'est l'extrait de la bande-son d'un film Eminem Phénoménal, maintenant sur Skyrock à découvrir. Unstoppable thoughts from the juggernaut that'll stomp you in the verse. Obstacles I'm drawn to them when they're going caught. Cause some of what I done fought was the worst. No sissy would've taught you how to persevere. There ain't no situation that you ever had to respond to that's adverse. Messiest thing you've ever gone through is your purse. Yeah, I don't try like hell and I might as well hang it up like a shell. Gotta keep wrong with it evolve. Cause you can keep throwing shit at the wall, but you're gonna find that nothing's gonna stick until you apply yourself. Time to slip in that zone till I find myself inside the realm of the unknown and boldly go into waters where nobody else has gone before. I'm willing to go uncharted, feeling it so calm. I'm feeling myself, I'm a giant sometimes. I gotta remind myself that I am phenomenal. With every ounce in my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. I am phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths. It's gonna make me a monster. When you're down and they're trying to clown the fuck out of you, when you feel like you're running out of fuel, I'll show you how to use doubt as fuel. Convert it to gunpowder too. Now what you do is put the match to the charcoal fluid, put the spark to it like Martha Stewart barbecue. And oh, screw it, feel like you wanna hit that wall, then do it, punch through it, just cut back, put your arm into it. Now, you gon' take that rage and make that what you raise. Never take back what you say. If you stay strapped in your brain and case in a steel case, man, it's ready to scrap face, eh? Take your fist in the spot, show who's big and who's smallest. You're Christopher Wallace. Now picture them all as plastic and foam, and it lays flat. Will you put your dinner plate tight and set it on like a placemat? With every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. I am phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths. It's gonna make me a monster. Shut up, Val. Can't even cut up power to it, but it's what allowed me to come up out from under the biblical ground. Cause I work my butt off now. It's a subject that I don't know how to shut up about. Cause I stuck it out like a biblical tongue to towel. I responded when I got shoved around. You're gonna have non-believers, but when you're beyond belief, you probably shouldn't wonder how. Get it how you live, but are you prepared to give more than you get? And put in twice what you get back from this shit. So what you sacrifice barely is half, never give. Rap is my shift, but it's like my shield. At the same time, I wield and my knife is will. Sometimes I feel just like Be Real from Cypress Hill. How I could just kill a cypher, survivor's guilt. I rhyme like life is still an uphill climb. Ready to face any challenge, waiting, can taste it. It's salivation, I'm waging retaliation. Look what I have built. Reputation is validation. The only thing I'm capable of making is amazing. Only thing you're capable of making is a false statement, an accusation. I'm legendary status. In fact, that is the only way you'll ever be able to say your legend is making an allegation. I write with the left, same hand I hold the mic with as I fight to the death, to my last breath. Man is to prove who the best man is, prevailing. All cause be the only one left standing in the end, but I ain't gonna be the only one with the advantage of knowing what it's like to be southpaw. Cause you can bet your ass you'll be left hanging. Cause I am phenomenal. With every ounce in my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. I am phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths. It's gonna make me a monster. Voilà donc ce morceau d'Eminem à l'instant que t'avais pas écouté encore, Blackem. Moi je kiffe. Technique quoi. Technique ouais. C'est technique à la Eminem. Il fait des choses sur l'instru, c'est atroce. Même si l'instru est bizarre. quand même des choses atroces sur l'instru. Le morceau s'appelle Phenomenal. À l'instant, c'est extrait de la bande son JR, tu voulais dire quelque chose? Oh, genre que nos fans vont crier. Une petite rectification à faire. Mais bon, ça va pouvoir faire patienter les gens. Et dis-nous. Les gens mettent les gens un peu en attente. Ça sera la semaine du 15 pour le premier extrait de la Vendetta. Ah, voilà. Donc on vient de m'annoncer que c'était pas la semaine prochaine, c'est celle du 15. C'est celle d'après. Mais toi, t'es tellement pressé que t'as. Ça, c'est reculé pour mieux sauter. Voilà, t'en oublies les dates. Pour mieux sauter, vous inquiétez pas. Il met du temps à sortir, mais quand ça va sortir, vous allez voir. Donc voilà, alors semaine du 15 juin, cette fois-ci, c'est sûr. Voilà, là, c'est sûr et certain. Sûr et certain, il y aura le premier. Rappelle-nous le nom du morceau. Tarlé Ouf. Voilà, qui sortira semaine du 15 juin. Hier. Qu'on pourra découvrir. Pour le son de Girochrome et de Doom Mams, pour le morceau Vendetta, pour le projet Vendetta, pardon. Yes, que d'exclus cette année. Que d'exclus, que de surprises ce soir avec nous à bout de bang. Il y a Linda Sherazade, Lilou qui est là aussi, la petite Lilou aussi. Ça va toujours Lilou? Lilou toujours présent. T'as pas école demain, tranquille? Non. Lilou, prochain album. Ah, tu veux dire quoi? J'ai écouté l'album de Lilou. Et alors? Relourd. Il est très lourd l'album de Lilou. Lilou, qu'est-ce que tu voulais dire? Skyrock la famille. Yeah. C'est ça, l'album il démarre comme ça. Il s'appelle Skyrock la famille. C'est l'intro. Je fais du sale. T'inquiète pas, c'est Lilou au Mike. Non mais Lilou par contre elle danse super bien, vous la verrez. Elle a retourné l'Olympia. Le truc en fait. On écoute quel morceau dans un instant, Black M? Un extrait du DVD. Sur ma route, on avait dit non. Ouais, on avait dit sur ma route. Sur ma route, comme ça tu veux danser aussi, Lilou. Tu pourras danser devant tout le monde, on va filmer. C'est le Planète Rap avec cette fois-ci Yanis F2L de Sartrouville par téléphone. Salut Yanis. Ça va Fred ou quoi? Ça va et toi en pleine forme? Ça va, tranquille, on vient d'avoir un petit week-end. Eh bah bien. Ouais, week-end qui est mercredi, donc c'est un. C'est un long week-end pour toi, Yanis. Oh, je revenais lundi soir. Normal. Bon, tu es prêt à venir freestyler maintenant? Yes, je suis prêt, les gars, ça va ou quoi? Ça va. J'ai écouté ton freestyle. Et alors, lourd? Lourd. Très lourd, non? Ouais, très lourd. Merci, c'est gentil. Allez, on t'écoute, Yanis F2L, c'est parti. Vas-y. Ok. Yanis F2L, bra. Funeste, le 12 juin. Ok. Ah, check. Ça fait. Ah, frère de l'ombre, ombre, bra. Frère de l'ombre, ça trouve une boy. Ok, un, ça fait un. Mon temps est taille, j'ai fini trop pillé. J'ai vu, j'ai vaincu, j'suis venu tout piller. J'me retrouve à terre, souvent fini sous plancher. Pas de mauvaises nouvelles, ma sur mon banquier. J'écoute des rappeurs, sont déjà dans le fossé. Sans sur les chiffres, ont des ennemis que j'ai froissés. On dit que t'es bonne, c'est que t'es juste démaquillé. Fais pas la sainte, on t'a vu déshabillé, j'baise. La rap game, tu parles dans la tête. C'est qui prêche, prête pas d'attention. Chez moi, l'élève ne pèsera pas le maître. Tu recevras le diplôme sans mention. J'suis pas plus, j'agis, j'te donne ta leçon. Tous ces PD parlaient sur mon âge, c'est pas aujourd'hui. Ils ont presque tous mordu l'hameçon. J'vais vous envoyer des dingueries. J'suis sombre, ça ne reflète que quand j'suis aigri. J'dors plus la nuit, j'pense à quand j'aurai percé. Le sang coule, c'est des larmes qui seront déversées. Pendant que tu brasses sous personne ne t'écoute. J'm'en rappelle des condés qui étaient sur mes côtes. Écoute le son, écarte les seufs, prêt à t'enculer. Ta femme sera veuve, j'attends pas reste, j'me suis fait tout seul. C'est dans mon pleurac que j'ai déversé tout seum. Trouve ta dépouille dans le sac mortuaire. On m'a dit que la rafale c'est MC. Tu l'es. On m'a dit que la rafale c'est MC, tu l'es. Depuis que je suis dans le game, tout s'est pété par sur moi, négro, mais rien qu'il n'assume jamais. Yes, okay. Yanis à l'instant. Il est lourd alors, H-Magnum. Franchement, il est lourd. Il est très lourd, Yanis. Ah, il y a un projet qui est sorti aussi, toi, Yanis. Hein? Il y a un projet qui est sorti de toi. Ouais, non, c'est le 12 juin, il sort. Ouais, c'est 12 juin, voilà, ça arrive. Sur Rock Culture, il sera disponible en téléchargement gratuit. C'est lourd, hein, Yanis. 12 juin, Yanis. Merci, c'est gentil, les gars, ça fait plaisir. Lourd. Non, mais pour de vrai, franchement, pour de vrai, c'est lourd. Merci, ça fait grave plaisir. Lourd. Et bah, petite dédicace, vas-y, rappelle-nous, donc, sortie du projet le 12 juin. Ouais, le 12 juin sur Haute Culture, il sera disponible. Et Haute Culture pour aller télécharger, c'est le site des mixtapes gratos, ouais. Facebook, Twitter, Instagram, Snap, Yanis F2L, hein. Et je sais pas qui klaxonne, mais on le salue en tout cas. Ça, c'est Amir et Haroun qui sont de leur grosse force à eux. Amir qui est présent sur le projet. Et bah, on salue Amir. Tu m'entends de là. Terrible. Et merci à toi Yanis. Merci, c'est gentil. Ciao, passe une bonne soirée. Le Planète Rap continue sur Skyrock entre 20h et 21h. Avec un extrait du live maintenant, Black. Extrait du live. Avant le morceau. Avant le morceau, ah ouais, Gotham City. Un petit live et Gotham City derrière. Ouais, meilleur album 2015. Allez, c'est parti. 2015. C'est annoncé. C'est sur ma route. Black M, ça sort le 8 juin, CD, DVD live et en précommande. Vous reconnaissez cette mélodie? Précommande dès maintenant, allez-y, allez cliquer.

extrait du live Lilou. Il va falloir qu'on te fasse un bisou parce que tu sais que Lilou continue sa tournée mondiale de promotion avec chez Difool dans un instant. Mais non. Bah oui. Parce que Difool, on avait parlé, ils avaient mis sur le blog à l'époque, sur le blog de Difool quand on avait parlé de tes concerts et tout. Ils avaient mis l'extrait de Lilou. Donc elle continue sa tournée, sa tournée de promo internationale. Vous la retrouverez donc chez Difool tout à l'heure, là, d'ici quelques minutes. Merci Lilou d'être passé. Bravo. Merci, elle fait un gros bisou à maman en tout cas. Elle s'appelle comment ta maman? Alexia. Merci Alexia. Merci Alexia. Un vrai plaisir. Merci beaucoup Alexia d'être passé, d'avoir emmené Lilou. Demain donc pas école, demain Lilou, c'est ça, t'as réussi à gratter demain C'est ça? Ou tu es obligé d'y aller quand même? Ouais, essaye de négocier, demain pas école, au moins le matin. Ouais, c'est bon, maman l'a dit. On négocie. Allez, c'est bien joué. Bravo, merci Lilou d'être passé en tout cas. Et Lilou, on la retrouvera aussi sur le DVD le 8 juin. Dans les bacs CD, DVD de Black M. Alors, je crois qu'il est grand temps maintenant de mettre un morceau. Que de surprise. Ce soir, on a eu Adios avec Abou de Beng. Lourd. Adios validé. Nous avons droit à un deuxième morceau surprise exclu. Son album, Gotham City, bientôt dans les bacs, featuring Big Black M. Un album que t'as écouté. Un album que j'ai écouté. Allez, relou. Mets le son, Georges. Non, franchement, le son. Juste mettre le son. Donc, ça, c'est exclu pour l'instant. C'est exclu, on le lance là, bientôt. Là. Il y a le clip bientôt, non? Et on fait le clip là. Pendant qu'Abou de Beng est en train de redresser. Je suis obligé. Il est propre, mais il faut qu'il soit encore plus propre sur lui. C'est quoi cette plume? Cette plume, c'est quelle bête? Tu veux un peu avoir? C'est quelle bête que t'as chassée? Voilà, c'est un chapeau, c'est un fabricant de chapeau sur Paris. Voilà, c'est pas pour n'importe quoi ça. Ça c'est une plume de voilà, canard, plume de pintade. Aucun mytho. Mettez ce truc. Tiens, je te rends en tout cas ce couvre-chef qui te va tellement bien, Schmagnum. Donc alors attention, un extrait de Gotham City. Je me lève. C'est vrai que je suis radin en son. Ouais, c'est vrai. Comme je dis tous les jours, c'est pas Noël, donc là c'est Noël aujourd'hui. Ah bah là c'est même donc le jour de l'an réuni. Aujourd'hui, c'est l'été là, c'est l'été. Hashtag Black M sur Skyrock pour agir. Le morceau s'appelle Aucun mytho. C'est l'été, aucun mytho. Aucun mytho. Et quand je dis il est lourd, c'est que je suis pas un mytho. Aucun mytho. DJ HQ. Ouh, il a mis les lunettes. Oh, c'est l'été, on t'a dit. Petit short de lunettes. Bien. On sait, c'est la guerre. Tu peux me retrouver à l'after. Je m'en bats les reins du game. Je suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon, enfoiré. Pas la même planète, pas le même filon, enfoiré. Aucun mytho. Dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Aucun mytho. Dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Petit millésime, fais pas d'illusions. Ne me compare pas aux autres, ils sont nullissimes. Que des inédits, fais pas d'illusions. Parle pas dans mon dos, je vais te faire mes lycées. J'fais mes propres mélodies, bonjour. C'est pas Billie Jean, petit Simon Adam, mais t'es une grosse. Ce serait les Didi, les vrais me félicitent. Et pour ceux qui me sollicitent, j'voulais écrire sur ma page, je fais plus de filles. Qu'est-ce la folie, j'ai des fans dans la peau. H-Magnum. Elle veut qu'on joue aux cartes dans son lit. Refaisez la guerre. Tu peux me retrouver à l'after. Je m'en bats les reins du game. Je suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la veille? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon. Enfoiré. Enfoiré. Pas la même planète, pas le même filon. Enfoiré. Aucun mytho. Dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Aucun mytho. Dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Tu connais l'usine, mate la finition. Je ne ferai pas de cadeau à part à ma fille. Je suis un érudit, j'ai des munitions. Ici c'est de l'inspi pur, aucun mimétisme. Le rap c'est politique, ils veulent étouffer mon équipe et monétiser mon éthique. L'album est d'humeur olympique. Je manie les mots, les filles, oui, venez toucher mon épée. Je voulais écrire sur ma page, je vis sur un film. On fait la guerre. Tu peux me retrouver à la fleur. Je m'en bats les reins du guerre. Gotham City, Big Black M, Ash Grip. Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Tu me connais pas, Renoir. te demandes pourquoi je suis si différent. Aucun mytho, va leur dire que chez nous y'a aucun mytho. Aucun mytho, va leur dire que chez nous y'a aucun mytho. Je suis bien le fils de mon padre, je suis un vrai nombo. Je me suis libéré de mes chaînes comme mon poteau Django. Mon son fait le tour de l'Afrique de Conakry au Congo. En remontant par l'Espagne chez les danseurs de tango. Mais tu peux me voir au tiex, en caisse, aïe. Malgré mes centaines de millions de vues sur le net. Quand le soleil frappe, t-shirt et lunettes. Va dire au serveur du Phuket, maintenant je peux les yep. Refais, c'est la guerre, guerre. Tu peux me retrouver à l'after. Je m'en bats les reins du game. J'suis plus doué que Golem City. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Yeah. Aucun mytho, okay. Dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Yeah. Aucun mytho, va leur dire que chez nous y'a aucun mytho. Yeah. Aucun mytho, va leur dire que chez nous y'a aucun mytho. Yeah. Aucun mytho, à leur dire que chez nous y'a aucun mytho. Gotham City, Big Black, Gotham City, Big Black, H-Mac Dream. Mon gars, bravo, bravo, bravo. C'est des sons de l'été, adios, aucun mytho, tout ça là. Aucun mytho, je vois les réactions pareil, hein. Son de lourdeur pour H-Mac Gnom. Ouais, franchement, c'est un gros son. Je remercie Black. Franchement, moi, je te remercie. Voilà. Kiffé l'invitation. Merci. Et donc, c'est un extrait du projet Gotham City. C'est un extrait du projet Gotham City. C'est un gros son. Le clip sera à la hauteur du son. Donc, voilà. Ce sera un très, très beau clip. Akatsuki Gang. Voilà. Avec la Akatsuki Gang. Yes. Avec Big Black. Avec Linda. Avec Gotham City. La famille. Et ben, on a été gâtés ce soir. N'oubliez pas. Il y a beaucoup de projets. On a été gâtés ce soir. À ma gauche sur Aline. Dream. Que de surprises, que de cadeaux. Ah ouais. Tiens, moi j'en place une si vous permettez aussi à Mozart qui est là, qui m'a enfin apporté mon t-shirt de Rio Mavuba. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça fait plaisir depuis le temps. Merci, merci Lisa. 3 ans pour avoir le t-shirt. Et à Amine, je vais faire une grosse dédicace à Amine de Saint-Blaise qui nous ramène plein de cadeaux sur le clip aussi. Alors attention, Amine. Il y a aussi quelque chose. Tiens, H-Mac Dom, reste là, à bout de bang aussi. Ouais. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez écouté depuis le début de semaine, Black M nous a dit vendredi, il va y avoir un truc incroyable. Ah ouais, ouais, non, mais c'est incroyable. Donc, comme lui, il veut rien me dire, est-ce que je peux vous cuisiner tous les deux? Ouais, tu peux. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Est-ce que vous êtes au courant déjà de la surprise de vendredi? Moi, je sais que c'est une dinguerie. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté. Je l'ai écouté, franchement. T'as écouté quoi? C'est pas ça se trouve, c'est pas écouté. Non, ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais de toute façon, il écoute tout depuis tout à l'heure. Ouais, lui, il a écouté l'album de Lilou. Faut pas aller faire des dingueries avec moi, en vérité. Je vais chcom sans faire exprès. Non. C'est ça. Oublie-le, lui. Faut pas le faire. En fait, c'est pas la bonne personne. Linda, peut-être. Linda, tu es au courant de quelque chose, Linda? Je ne sais rien du tout. Tu ne diras rien. Je ne dirai rien. Rien du tout. Mais c'est gros, c'est gros. C'est gros. De bang, j'étais pas cuisiné. Que dalle, que dalle, que dalle. Ouh. Quoi, que dalle. Rien du tout, quoi. Oh. Hein, on est où? Aucun mytho. C'est toujours maintenu pour vendredi. Ouais, vendredi, fin d'émission. Tiens, si vous avez une idée, on a lancé un hashtag qui s'appelle Trouve la surprise de Black M. Donc, hashtag Trouve la surprise de Black M. Mettez ça en tété, tiens. Allez, Trouve la surprise de Black M avec le hashtag. Et sincèrement, c'est une vraie. Mais vous allez flipper. Allez-y, proposez des choses. Allez-y. Avec le hashtag Trouve la surprise de Black M. Allez faire on verra si vous êtes fort. Ah ouais. Allez, avant de se retrouver déjà demain entre 20 et 21, avant de retrouver la radio libre de Difool, on va faire tourner la roulette maintenant. Yeah. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50 euros de chèque cadeau. On vous met bien, non? Salut Salomé de Villejuif, comment ça va Salomé? Bah ça va bien. Bienvenue. Je suis très contente d'être en ligne. Nous aussi, on est content de te parler. Salomé. Je te présente Black M, je te présente H Magnum, Abou de Begay, évidemment Linda Sherazade, qui est là avec nous. Ça va en pleine forme? Bah ouais, nickel. T'as vu toi la tournée de Black M ou pas encore, Salomé? Non, pas encore. Pas encore? Encore. Ah. Mais attends, je vais voir le DVD. Ah oui, c'est vrai, c'est bien aussi. Tu peux te caler. C'est bien aussi, ouais, c'est bien aussi. C'est un bon moment, tu peux être bien calé. C'est des DVD, ça sort le 8 juin. Je l'écoute sur Skyrock. Eh bah parfait. C'est au top, Salomé. Hein. Premier sur Black M. Rien à dire. Premier sur Black M. Yeah. Et premier sur la roulette pour toi aussi. Dès que tu veux, tu dis stop. C'est parti. Allez-y, c'est marrant vos propositions. La roulette, Salomé, qui va s'arrêter. Et bah sur la case Youssoupha, l'album Négritude, il arrive et 50 euros en chèque cadeau, c'est aussi pour ouais, toi. Ouais, ah je suis trop contente. On t'envoie ça, Salomé, du côté de Villejuif. Ah, c'est trop bien. Eh ben, je te fais un bisou, petite dédicace, petit message à passer, vas-y. Hein. Ouais, alors je danse une dédicace à Léa, Elodie, Manon, Steph, ma famille, ma petite sœur adorée, ma classe de bolos, Bouguinzou, et bisous à toute l'équipe et à Black M, bien sûr. Eh ben, ça roule. Merci. On te fait des bisous. Il y a moyen que j'aille un maillot. Un maillot de qui? De l'OM. Un maillot de l'OM. Et pourquoi on te filera un maillot? Maillot de l'OM, non, ça va. Mais Salomé, franchement, si j'avais des maillots, Steve, tu peux trouver un maillot pour Salomé? Normalement, c'est chez Diffoul, hein, mais. Honnêtement, je te garantis rien. J'ai pas envie de te dire mais oui déjà pour. Paris a gagné, je suis dégoûté. Bah non, c'est bien, attends, ça va, Salomé. T'habites Villejuif, normalement 9-4, on soutient Paris. Non, c'est Marseille. J'allais dire. Non, ouais, c'est vrai. J'ai bloqué, j'ai dit un maillot de l'OM. Un maillot de l'OM, je sais pas. Tu passes dans le 9-4. Quand t'es dans le 9-4, normalement, tu sais. Mais oh, je sais pas, moi. C'est pour ça, moi, mon oreille s'est fermée. Tu sais, je sais pas. Salomé, je te jure que si on te trouve, on te le filme, mais je te garantis rien, ok? Ah, bah c'est gentil, merci. Je te fais un bisou, passe une bonne soirée, merci d'avoir été avec nous ce soir en tout cas. Et du full, j'ai oublié de dire au fait, pour le qu'est-ce clip qui se passe, qu'est-ce mytho, qui se passe au fait, j'organise un concours sur mon Facebook, alors allons-y. Magnum officiel. Voilà, ça s'appelle Allo People, c'est pour gagner plein de cadeaux. Et justement, le plus gros cadeau, ce serait de participer, de venir assister au clip. Aucun mytho. Donc aucun mytho. Aucun mytho. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos? Toutes les infos sont sur mon Facebook H-Magnum officiel. H-Magnum officiel. Voilà, tout est mis là-bas. Et ce sera un très beau clip, ce sera un jour de fête. Voilà. Et ben merci d'être passé en tout cas H-Magnum. Merci à toi. Merci à l'émission. Très bon extrait. Voilà. Magnifique Gotham City bientôt dans les bacs. On va saluer Linda aussi qui est passée ce soir. Linda. Petit message à passer, Linda, on t'écoute. Non, bon, juste le 8 juin, Non, c'était un petit dernier message. Linda, c'est le soldat. Ah, moi je suis là, je suis toujours là. Allez choper le 8 juin. Elle fait la promo, ma gueule. Ah, ouais, lourd, voilà. Yes. Et monsieur Abou de Beng, il est où? Ah, bah il est Abou là. Abou de Beng. Non, je vais te saluer quand même. Je suis là, Fred. Bon, on va se dire au revoir, c'est ça? Eh ben, on va déjà se dire au revoir. Mais peut-être qu'on va te retrouver d'ici la fin de semaine. Vous allez me retrouver demain. Demain tu vas repasser? Si tu le veux. Ouais, je passerai. Pour découvrir la surprise, en vérité, parce que j'en sais rien. Oui, c'est pas demain, c'est vendredi. On est quand aujourd'hui? T'as oublié? Voilà, je sais plus, on est quand? Toi, c'est la nuit. Wesh, rappelle-nous où tu étais hier soir. Après, le jour j'étais à ma voisine, 60 000 personnes aujourd'hui. Avant-hier, tu étais où? T'es à Abidjan. Tahiti. Non, pour de vrai que là, j'ai. Donc là, on est mercredi. On est mercredi. On est le 3 juin 2015. Demain, je viens, vendredi. De toute façon, je suis toujours là. Et bah, parfait. Demain, c'est Black Shady. Black Shady partie 3. Ah oui, qu'est-ce qui se passe demain? Demain, ça on peut l'annoncer. Demain, il y a le clip Black Shady partie 3 en ligne. À pas louper demain, le clip, ce sera entre 20h et 21h. À découvrir sur Skyrock. Et merci à vous tous. Black M, on rappelle le 8 juin. Merci à Lilou qui est passé aussi. Merci Lilou. Qui était là ce soir avec sa maman. Merci pour tous vos messages. HQ qui a quand même fait une prod, on peut le rappeler sur le DJ morceau. DJ HQ qui a fait la prod du morceau qu'on a passé en exclu à Abou de Beng feat Black M. Premier extrait du projet de l'année. Incroyable, HQ. Le projet Watibé. Incroyable. HQ, tu veux dire quelque chose? Parce que j'ai l'impression que tu es. Tu es occupé avec Abou. Ouais, je suis en train de dire au revoir. Merci en tout cas à vous tous. On se retrouve demain entre 20h et 21h. Est-ce que l'équipe de la radio libre de Diffoul est là? Oui, Fredo. Ah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Black M. Il me semblait t'avoir vu courir. Salut tout le monde. Oui, j'ai couru un peu. Ouais. Faire un petit peu de sport. Bah pour être en forme jusqu'à minuit. Comme faut, d'hab. Hein. Comme d'hab. Et ouais, c'est comme une grande tournée, hein, Black M. Pareil, faut avoir la santé. Faut être affûté. On va être affûté là. Qui est affûté? Ah, Diffoul, il est affûté, corps de rêve. Attends, et oh. Tu sais bien. Évidemment. C'est sport, hein, Radio Libre tous les soirs. Fais-nous un selfie torse nu, voir. Et tous les bâtards. Il va t'envoyer ça, ouais. Bon, tu passes nous voir tout à l'heure, Black M? Ouais. Yes. Avec une bonne nouvelle encore ce soir, Black M qui vient nous voir là. Yes, ouais, yes, c'est yes. Cool. T'as des surprises pour nous avant les surprises de Fredo ou pas? Comme d'hab. Ah, comme d'hab. Comme d'hab, toujours des surprises. Fait penser à Big Flo et Lisa, comme d'hab. Bien vu, Marie. Quelle prêtresse du rap. T'as vu un peu? C'est la folie. Hein. Ah, ça fuse dans ma tête. Ben, je vois ça. C'est parti jusqu'à minuit sur Skyrock. À tout à l'heure, Black M. À tout à l'heure, Black M. Et puis à demain, 20h-21h. Yeah. On va démarrer avec une grosse nouveauté Skyrock. C'est Fifth Harmony, Fredo. Waouh. Exactement. Elles viennent d'où, ces cinq filles-là? Elles sont. Elles débarquent en fait d'un. Elles ont. Tu sais, les. Comment tu ça s'appelle? X-Factor. X-Factor. Non, mais ah, je cherchais oui, les émissions. Genre X-Factor. De la deuxième saison d'X-Factor, exactement, aux États-Unis. C'est vrai que je l'avais entendu ce matin. Elles ont formé le groupe pendant l'émission télé. Voilà, j'étais en train de chercher le terme. Donc, émission télé, X-Factor. d'accord. Télé. Et elles sont avec Kid Ink aussi et, sur le morceau. Et comment elles ont rencontré Kid Ink? Oh bah elles ont dû. Elles ont dû quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends? Quand t'as cinq nanas comme ça, Kid Ink, à mon avis, c'est simple à rencontrer. Hein. Bon ben on les attend très vite dans l'émission, c'est jamais. On espère bien, ouais, avec grand plaisir. Eh ben on va démarrer avec cette nouveauté Skyrock et puis on vous attendez maintenant 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler jusqu'à minuit. Black M qui va nous faire un petit coucou tout à l'heure avant minuit aussi. Et toute l'équipe qui débarque et vous tous en direct, c'est parti. Fredo demain avec Black M, c'est entre 20h et 21h. Ciao ciao. Ciao. À tout à l'heure. À toutes. Allez c'est parti. Total respect.